Bonjour à toutes et à tous, c'est Alex, bienvenue sur Radio Gamozo, station 107FM pour cette 23ème chronique de Millénie Histoire de Tatouage. Commençons, comme à l'habitude, par un rapide résumé de la chronique précédente. Dans celle-ci, nous avions parlé de la popularité des tatouages et du tatouage dans les élevages d'animaux. Avions poursuivi par la deuxième partie du tatouage en encre blanche et avions terminé avec le motif du lotus et ses significations. Pour cette nouvelle chronique, nous commencerons à parler de la modification corporelle, continuerons avec un style de tatouage et finirons avec un motif et ses significations. Allons-y! Comme vous le savez peut-être, le tatouage est un type de modification corporelle permanente, cependant, ce n'est pas la seule. Dans cette chronique, ainsi que plusieurs autres, nous parlerons de celle-ci. Il est vrai que l'on s'éloigne un peu du tatouage, mais je souhaitais tout de même approfondir cette dernière, qui regroupe plusieurs autres techniques et qui reste toutefois dans le même univers. Alors certes, nous parlons de modification corporelle, mais qu'est-ce que c'est exactement? Partons à la recherche de ces réponses. Une modification corporelle est une transformation, localisée ou étendue, réversible ou non, du corps d'un individu au moyen d'une pratique et dans un but ayant un caractère culturel ou non. Et bien que des phénomènes tels que la grossesse, la croissance, la vieillesse, la maladie ou encore certains traitements médicaux entraînent des modifications du corps, l'expression modification corporelle est utilisée en anthropologie, une science située entre les différentes sciences humaines et naturelles, étudiant l'humain sous tous ses aspects, aussi bien physiques que culturels, afin de désigner plus spécifiquement les modifications corporelles artificielles contrôlées et délibérées, excluant les mutilations punitives et les automutilations relevant de troubles psychiatriques. Ce sont des pratiques extrêmement variées, qui remontent au paléolithique supérieur, une période de la préhistoire marquée par le passage des populations préhistoriques aux industries lithiques. Traditionnellement, ils sont associés à des rituels sociaux initiatiques, propitiatoires et votifs. Éphémères comme les aînés ou permanentes comme le tatouage, elles peuvent être soit inoffensives comme les piercings ou mutilantes comme l'excision. Bien qu'elles soient abondamment décrites par les explorateurs, les modifications corporelles ne sont cependant pas l'apanage exclusif des sociétés qu'ils découvrent et étudient. En effet, elles ont toujours été présentes dans les sociétés occidentales où de par les tatouages, piercings, culturisme, chirurgie esthétique, etc. connaissent un fort regain d'intérêt et une très large diffusion depuis la fin du XXe siècle. Enfin, des créateurs ont fait de la modification corporelle ou plus largement de leur corps en propre une forme d'expression intégrée au marché de l'art, développant un courant appelé art corporel. Mais quelles sont exactement l'origine et la signification de la modification corporelle? C'est ce que nous verrons dans la chronique suivante. Mais comme dit plus tôt, bien que l'on s'éloigne du monde du tatouage en lui-même, nous restons dans cet univers et nous remarquerons que aussi bien le tatouage, la scarification, le piercing ou autre, tout cela est intimement lié et que souvent plusieurs styles de modification corporelle se retrouvent sur une même personne. Passons à la deuxième partie de cette chronique, un style de tatouage. Le style du jour est le tatouage à l'encre transparente, aussi appelé tatouage UV, blacklight ou encore fluorescent. Comme dans les deux chroniques précédentes où l'on a parlé du tatouage à l'encre blanche ou encore dans la 19ème chronique où l'on a parlé du tatouage noir et gris et couleur, l'on ne peut pas forcément considérer le tatouage à l'encre transparente comme un style de tatouage, mais plutôt comme un choix artistique. Bien que les tatouages à l'encre UV ont l'air sympa, ils ne sont pas nécessairement une bonne idée. En effet, bien que cette nouvelle tendance grimpe aux États-Unis, les tatouages à l'encre transparente ne sont pas sans risque. Comme vous le savez maintenant, le tatouage a des milliers d'années. À une époque, il était l'apanage exclusif des forains, des marins ou encore des bagnards. Mais aujourd'hui, le tatouage s'est répandu à tous les niveaux de notre société. De plus, il n'est pas imperméable aux tendances. Et à l'époque où MySpace existait encore, les adolescents se faisaient tatouer des étoiles de mer plus ou moins partout. S'en suivit les tatouages chapelets comme Nicole Richie, puis les formes géométriques. La présence dans les festivals et autres clubs de lampes ultraviolets a donné naissance à une nouvelle tendance, le tatouage qui n'apparaît qu'à la lumière noire. C'est grâce à cette encre réactive aux ultraviolets que les tatoueurs peuvent créer des motifs n'apparaissant qu'à la lumière noire, des motifs brillants d'un éclat limite paranormal dans le noir. Il faut voir en ce tatouage ultraviolet des messages codés que l'on porte sur soi en tout temps. De plus, comme vous le dira certaines personnes aimant faire la fête, tout ce qui brille dans le noir est cool. Cependant, une question nous vient en tête, est-ce un tatouage sans risque ? Peu importe ce que vous dit votre tatoueur, la FDA, la Food and Drugs Administration, l'administration chargée de superviser les normes sanitaires pour la nourriture et les médicaments aux États-Unis, n'a pas approuvé l'usage de cette encre pour les tatouages. En effet, d'après cette dernière, cette encre est une encre qui ne devait être utilisée que pour le secteur de la pêche et pour l'étiquetage des produits. Souvent le cas dans les tendances qui se développent rapidement, il est trop tôt pour connaître les effets à long terme de l'encre réactive à ultraviolet sur le corps humain. Sachez que ces encres UV provoquent plus d'allergies que des encres normales. Irritations cutanées, ampoules ou encore sensations de brûlure ont été signalées par les tatoués ayant utilisé cette encre. Mais si vous faites partie de ces personnes pour qui aucun de ces symptômes n'arrive, vous n'êtes pas à l'abri d'avoir plus de cicatrices, car cette encre, étant invisible à la lumière, ne peut pas camoufler les marques laissées par les aiguilles des tatoueurs. C'est un tatouage qui vous coûtera aussi plus cher. En effet, le prix de l'encre est plus élevé et plusieurs passages au salon devra se faire. Comme l'on l'a dit plus tôt, il existe une incertitude sur l'effet à long terme concernant cette encre UV. C'est pour cela qu'un grand nombre d'artistes tatoueurs refusent tout simplement de proposer ce service. D'ailleurs, le studio de tatouage d'Orlando, Art & Huntington Tattoo Company, a posté une déclaration sur son site justifiant son refus de l'encre UV. Cette encre n'a pas encore été testée correctement pour l'instant, et on se refuse à injecter une substance dont on ne connaît pas l'effet dans le corps de quelqu'un. Nous sommes un établissement professionnel et sérieux, nous ne testons pas de produits sur nos clients, et nous ne plaisantons pas sur la santé ou l'hygiène. Il n'est cependant pas impossible de trouver des tatoueurs renommés qui travaillent avec ce type de matériaux, comme Greg Kulz, tatoueur à San Francisco qui travaille depuis 20 ans avec ce type d'encre par exemple. Mais si malgré cette incertitude, vous souhaitez tout de même vous faire un tatouage brillant dans le noir, essayez de trouver un salon qui utilise des encres actives à la lumière noire et pas des encres phosphorescentes. L'on ne parle pas là seulement de mots. Au contraire, la nuance est de taille. Contrairement à l'encre réagissant aux ultraviolets, l'encre phosphorescente, comme son nom l'indique, contient du phosphore, un élément chimique qui permet au tatouage de briller dans le noir. Cependant, cet élément est cancérigène et même s'il n'est pas prouvé scientifiquement que le phosphore contenu dans l'encre phosphorescente donne des cancers, il est préférable de l'éviter. Donc, même si grâce à ce tatouage vous serez à coup sûr l'attraction de la soirée, il est préférable tout de même d'attendre que la science détermine la dangerosité de ce produit pour votre santé. Ce que je viens de vous dire date de plusieurs années, environ 3 ans. Donc ce n'est pas impossible qu'il y ait des études qui aient révélé l'inverse, cependant. L'on en aurait entendu parler, vous ne pensez pas ? Après, libre à vous de vous faire tatouer à l'encre transparente, vous êtes seul maître de votre corps. Passons maintenant à la dernière partie de cette chronique. Un motif et ses significations. Le motif du jour est le chat. De par leur beauté, leur grâce, leur instinct infaillible et leur côté quelque peu mystérieux, les félidés ont toujours impressionné l'homme et toutes ces qualités, entre autres, invitent souvent les admirateurs à les choisir comme motif pour leur tatouage. Un choix qui est vraiment très bien car il faut savoir que le tatouage chat peut être fait sous différents styles de réalisation mais aussi être tatoué à différents placements. Et ce n'est pas tout, il y a aussi plusieurs significations que nous allons voir tout de suite en nous dirigeant vers les différentes croyances des peuples variés. Comme dit plus tôt, le tatouage de chat peut avoir, selon le contexte, donné plusieurs significations. Commençons tout d'abord par celle donnée dans les peuples celtes. Dans ceux-ci, le chat représentait le gardien de l'autre monde, ce qui lui donnait une connotation plutôt négative. D'ailleurs, dans l'islam, cela n'est pas très différent. En effet, les chats étaient associés aux djinns, des créatures dangereuses et maléfiques. En Asie, et tout particulièrement au Japon, le chat sera symbole de malchance. Sachez cependant que toutes ces associations désagréables ne sont pas du tout exhaustives dans le monde du tatouage contemporain. Dans plusieurs pays d'Occident, ce petit félin est essentiellement un symbole de pouvoir spirituel, d'indépendance, du côté féminin de toute chose, de la liberté physique et psychique, ainsi et surtout de l'amour de la liberté. C'est d'ailleurs peut-être dû à ces allusions que ce tatouage est choisi par beaucoup de femmes et surtout des féministes. Comme vous le savez peut-être, ce mammifère est célèbre pour son agilité et ses capacités à se rétablir rapidement. L'on dit que le chat a 9 vies, et ce n'est pas par hasard. Avec leur instinct de survie impeccable, leur adaptabilité à presque toutes les situations, le chat a réputation de créature souple, persévérante, voire presque immortelle. Les gens qui admirent ou aspirent à la souplesse ainsi qu'à l'agilité et l'habilité choisiront un tatouage de chat. Ce n'est pas tout. Le chat est un totem puissant représentant la fertilité et la maternité dans l'Égypte ancienne, où il était également associé à la lune. C'est pour cela que de par sa sainteté, leur exportation était interdite par la loi. Il existe d'ailleurs certaines légendes qui raconteraient qu'en cas d'incendie, c'était premièrement les chats qui étaient sauvés et seulement après les personnes. Et si une personne décidait de tuer un chat, son action était sévèrement punie par la peine de mort. Comme vous avez pu l'entendre, en fonction du folklore spécifique dans lequel on l'examine, les significations du chat peuvent être contradictoires. Pour citer un autre exemple, en Thaïlande, le siamois était le chat du temple sacré. Il était, de par ses sens infaillibles de vue, d'odorat, ouïe, toucher et goût, le chasseur par excellence. C'est pour cela qu'il était vénéré par l'homme comme un protecteur du ménage qui lui aide à se débarrasser des rongeurs néfastes et donc des maladies que ces derniers apportaient. Finissons par l'Europe. Le chat noir est associé aux sorcières et au monde occulte. Il était donc un symbole de malchance et de superstition. Cependant, pour les marins, le chat est un symbole de bonne chance, d'espoir et de voyage couronné de succès. Et pour citer une dernière information, lors de la Seconde Guerre mondiale, les soldats utilisaient les chats comme des radars vivants afin de détecter certains gaz toxiques bien avant les humains. Il existe plusieurs styles possibles pour se faire tatouer un chat. Les possibilités sont pratiquement illimitées. Un des plus populaires est le tatouage de chat géométrique, un style qui, comme son nom l'indique, contient des figures plus ou moins stylisées réalisées à partir de formes géométriques. Contours épais ou fins, remplis ou non, avec des ombres élaborées et un style d'outwork entre autres peut faire partie de ce tatouage. Il existe aussi le tatouage chat origami, qui est une sorte de tatouage géométrique mais rappelant le pliage du papier japonais éponyme. Hormis les figures géométriques puristes, les tatoués peuvent opter pour des modèles sobres contenant une silhouette à contours fins, sorte de tiny remplissage. Les femmes choisiront plutôt l'omoplate, la nuque ou encore l'intérieur des bras pour se faire tatouer un chat. Mais bien sûr, il sera aussi possible de se faire tatouer sur les jambes, les mollets ou encore la cheville, qui s'avérera être un emplacement parfait pour ce type de petit tatouage. Si vous êtes plutôt friand des tatouages plus visibles, ne vous inquiétez pas. Il sera possible pour vous de vous orienter vers un chat mandala contenant plusieurs détails élaborés. Si vous ne connaissez pas trop ce style de tatouage, ce sont des dessins complexes qui s'appuient sur des entrelacs de rosaces bouddhistes, la symétrie, les motifs symboliques, etc. En revanche, si vous aimez les symboliques de chat, mais que vous ne voulez pas un tatouage chat proprement dit, il vous sera toujours possible de vous faire tatouer uniquement les pattes, ou plus précisément leur empreinte. Comme vous avez pu l'entendre, le tatouage chat a plusieurs significations. C'est un tatouage qui sera choisi plutôt par les femmes, cependant il est tout à fait possible qu'un homme se fasse tatouer. De plus, vous avez un large choix de style et de façon de faire ce tatouage de chat. C'est ainsi que cette 23e chronique se termine. J'espère que vous l'aurez apprécié. Si c'est le cas, n'hésitez pas à faire part de vos avis sur la page Facebook de Radio Gamozo, sur son site à l'adresse www.radiogamozo.eu ou même par téléphone au 03 29 62 40 40. Bien sûr, cela va de soi que nous serons ravis de vous répondre. En attendant, moi je vous laisse. Je vous souhaite une agréable journée ou soirée et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle chronique de Mille et une histoires de tatouage. Ciao!